Hello and welcome, bonjour et bienvenue dans ce voyage musical qu'est la Croisière Folk, une émission qui n'a que un but, en fait il en a deux, celui de vous divertir et de vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk. Nous avons une page Facebook, n'hésitez pas à la visiter, on poste plein de vidéos. Et puis, si vous avez envie de nous écrire que peut-être vous êtes un artiste et que vous souhaitez être diffusé dans cette émission, lacroisièrefolk en un mot, @yahoo.com. On a commencé avec Jess Marie Music. Elle réside au Pays de Galles, mais c'est dans le sud de l'Angleterre qu'elle fait ses concerts. Elle a débuté sa carrière durant la période du Covid et sa toute première chanson qui s'appelle The Bull and the Butterfly, le taureau et le papillon, explore les facettes lumineuse et sombre de la personnalité humaine et la manière dont nous positionnons par rapport à elle. Elle a une page Facebook et Instagram si vous avez envie de la liker. Et pourquoi ne pas voir aussi ces magnifiques t-shirts que vous pourriez acheter. Jess Marie Music, vidéo donc sur la page Facebook. Sur notre page Facebook, vous voyez la vidéo de sa prestation. Donc la page Facebook s'appelle La Croisière Folk. Et puis on va poursuivre avec Carla Bruni, quelqu'un m'a dit, J.K.L. El Shavir et Amanda Scher, Angel and Acrobat, extrait de son album West Cross Timber, album de 2009. C'est une sorte de mariage entre les traditions folk et country. Et puis je vous le rappelle, comme c'est le cas deux fois par semaine dans cette émission La Croisière Folk, aujourd'hui c'est une programmation 100% féminine. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Les plus talentueuses chanteuses et musiciennes folk du monde entier, c'est dans l'émission La Croisière Folk. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors? Mmh.

La croisière folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Dans la croisière folk, Amanda Schur, Angel and Acrobats. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour ceux qui découvriraient cette émission, 1, 2, 3, c'est l'émission, c'est la partie de l'émission, pardon, dans laquelle, en trois chansons, vous découvrez un album. Aujourd'hui, c'est l'album de Alison Brown, Simple Pleasure. Un album de 1990, mais qui, en fait, a été remixé en 2024. Donc, si vous l'avez loupé en 90, vous ne le louperez pas en 2024. Qui est Alison Brown? Eh bien, elle est née le 7 août à Hartford, le 7 août 1962, dans le Connecticut. Et c'est l'une des musiciennes les plus influentes et respectées dans le domaine du bluegrass et de la musique acoustique contemporaine. Banjoiste, c'est-à-dire qui joue du banjo virtuose, guitariste accompli, compositrice et productrice, Alison Brown a marqué l'histoire de la musique par son style unique, souvent comparé à celui de Bella Flack, avec lequel elle partage une approche novatrice et éclectique du banjo. Cette réédition que l'on va découvrir de l'album Simple Pleasure, qui est le premier album d'Alison Brown, sorti en 1990, eh bien, revient sur le devant de la scène dans une version remixée et remasterisée, enrichie de démos inédites et de notes de pochette qui retracent l'impact durable d'Alison Brown sur la musique roots, produit par le légendaire David Grisman dans le célèbre Down Studio à Marin en Californie, Simple Pleasures. a non seulement mis en lumière les talents exceptionnels d'Alison Brown en tant que banjoiste, mais a aussi réuni un casting, entre autres Alison Krauss, Michael Marshall et Griezmann lui-même. Des morceaux phares comme Mambo Banjo, Living Cottondale et Weetabix ont marqué un tournant pour le style Crux, donnant une nouvelle dimension à l'instrumentation bluegrass, et ça a d'ailleurs attiré l'éloge des critiques. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous allez sur le site Alison Brown. Brown.com. Et de cet album, trois morceaux, Weetabix. Je ne sais pas comment vous les mangez, vos Weetabix, avec du lait chaud? Moi, c'est avec du lait chaud. D'autres, c'est avec du lait froid. Bien, on écoutera Weetabix, Mambo Banjo, Living Cottondale. Bienvenue, c'est la croisière folk que vous écoutez. Et croyez-moi, vous avez bien raison d'être présent avec nous pour ce voyage magique, intemporel et fantastique. Voilà, nouvel album que l'on vous a fait découvrir, l'album d'Alison Brown, Simple Pleasure, l'album remixé et remasterisé de son premier album sorti en 90, en 90, et on peut le trouver en 2024 si vous l'avez aimé. Eh bien, sachez qu'on a écouté Weetabix, Mambo Banjo et Living Cottondale. Il y a 125 ans, naissait Maurice Carême, pas loin d'ici, pas loin de chez moi. Et c'est pour ça que dans les poèmes de cette émission, cette année, eh bien, je vous fais découvrir quelques-uns de ces poèmes qui sont d'ailleurs lus par Maurice Carême. Alors aujourd'hui, ça s'appelle Plainte d'hiver. Ce poème fait partie du recueil Chansons pour Caprine, publié en 1947, peu après la Seconde Guerre mondiale. Alors, cette période était marquée par une grande incertitude et une certaine tristesse collective, ce qui pourrait aussi d'ailleurs avoir influencé le ton mélancolique de certains poèmes de Maurice Carême. Le contexte historique et personnel de l'auteur se reflète souvent dans ses œuvres, donnant ainsi une profondeur supplémentaire à ce poème plein d'hiver. Alors, bien que ce poème exprime une plainte, l'hiver est aussi une période transitoire, avec le retour du printemps prochain et du renouveau. Cette dualité entre la tristesse du moment et l'espoir d'un renouveau possible pourrait également être aussi une façon d'interpréter ce poème qu'on va écouter, donc Plainte d'hiver. Et puis juste après, Izzy Burns, Wild Flower, extrait de son premier album sorti en 2019, You Can't Stop Me Now. Elle avait 16 ans à l'époque. Ensuite, une artiste norvégienne, Malin Pettersen avec Alone Some et Carmento, La Loca del Pueblo, extrait de l'album La Serrana. C'est son nouvel album à Carmento. C'est un projet musical qui illustre parfaitement le style unique de cet artiste, mélangeant des éléments de la musique folk traditionnelle espagnole avec des influences contemporaines. J'espère que vous allez apprécier. Tout de suite, Maurice Carême avec Plainte d'hiver. Entends-tu cette plainte renaître avec la bise qui se traîne, indécise, sur la campagne éteinte? on dirait un enfant égaré sur la terre, qui cherche dans l'hiver un foyer accueillant. Et c'est lui, j'en suis sûr, qui, vêtu de brouillard, vient coller sa figure à nos carreaux le soir. It's on the rainy days when I grow the most, and my heart gets stronger and I stand taller. Oh, that's just how it goes. Why do wildflowers never look the same? And why doesn't anybody know my name? Sans complexe dans l'univers enchanteur des artistes féminines de la scène folk. Ah, je vous aime. I've never been bothered by being alone before. But with other people alone, gets me to the core. What I am feeling now is something new. It combines being alone and without you. I'm alone. So since you left, I've been alone, clinging to the light like a dog to the bone. I've only ever felt lonely in a crowd. I never knew silence could be this loud. And I'm so I'm alone. So I'm alone.

dégâts. Voilà, c'était notre minute astuce pour aujourd'hui. Si vous avez vous aussi peut-être des astuces que vous avez envie de partager, surtout n'hésitez surtout pas. Allez, on va poursuivre en musique avec Sharon, Shannon et Sea Shepherd. Et je profite de cette chanson pour dire qu'il y a une pétition qui circule sur Mes Opinions en un mot avec S.com, une pétition pour libérer Paul Watson, le fondateur de l'ONG Sea Shepherd, et qui avec son navire a sauvé, et son équipe d'ailleurs, a sauvé 5000 cétacés. Il a été arrêté par la police danoise le 21 juillet au Groenland, et en fait il faisait route vers le Pacifique Nord pour empêcher le navire japonais Kangei Maru de tuer des baleines. Il est en détention et risque d'être extradé vers le Japon. Donc il y a une pétition qui circule, qui a déjà récolté 556 564 signatures et probablement bien plus au moment où je vous parle. Et donc c'est une pétition qui est adressée au président Macron. Donc Emmanuel, si tu m'entends, merci de faire les nécessaires pour libérer Paul Watson. Donc vous allez sur le site mesopinions.com et vous cherchez donc Paul Watson. Alors on a fait sur notre page, sur la page de l'émission, il y a un lien vers la vidéo, vers la pétition. Donc vous allez sur la page de La Croisière Folk et vous verrez, il y a sa photo avec un lien pour un petit article aussi explicatif et le lien vers la pétition. Donc mesopinions.com. Libérer Paul Watson, merci d'avance. Ensuite, il y aura Pina Colada, Ancoli et Marilia Monzon, Quiereme Libre. Alors, c'est une chanteuse folk espagnole, hein, Marilia, dont la carrière est marquée par un mélange unique de sons traditionnels et modernes. Et ça donne un excellent résultat. Et si vous aussi, peut-être, vous nous écoutez d'Espagne, n'hésitez pas à nous faire connaître d'autres artistes folk espagnols. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Thank you. La croisière folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. Pour les femmes, des chouettes, les filles du bord de mer. La femme est l'avenir de l'homme. Trop grande ville, trop peu d'espace. Mais pourquoi on s'entasse sur une île? Gens, trop peu de rêves, passe le temps, pas de trêve. Trop de petits cellulaires, sur dos internet, allons prendre l'air, là où le temps s'arrête. M'en aller, respirer doucement, sentir des rythmes différents. Des buildings pour maisons, trop de murs en carton, trop grande responsabilité, trop petite journée, trop lourde facture, rembourser, rembourser les temps durs, trop grande chose à faire, trop petit salaire, trop grandes idées, mais pas le temps d'y penser. M'en aller, prendre le temps d'oublier. Rêver du futur. M'en aller, enterrer le passé sous un ciel d'azur. Je file là où mon cœur me dit d'aller, là où le vent veut me porter. Mon bonheur entre les mains et ma guitare. Pourquoi s'en faire? Je ne suis qu'une minuscule poussière dans un immense univers. Je file là où mon cœur me dit d'aller, là où le vent veut me porter. Mon bonheur entre les mains et ma guitare dans les bras. Faire une lune au goût de miel et un soleil à la saveur de piña colada. Como el agua de mayo que llega en la primavera. En tus ojos veo el brillo que me roza y que me quema. En tu piel siento el calor que me calma y que me altera. Quédate a mi lado. Quítame la pena. Como el río se abre paso sin parar en la frontera. Son tus besos el hechizo que acelera y que me frena. Yo no quiero que tu amor sea red, sea cadena. quiéreme bien. Et voilà, la croisière arrive à bon port. Je vois le port est là. On va mettre le bateau où il faut pour le préparer pour la prochaine croisière. Pourquoi je dis carrière ? Ça, c'est quand on veut faire deux choses en même temps. Vous voyez, nous, les mecs, on ne sait pas faire deux choses en même temps. Alors, on regarde un texte et puis, oh là là, non, il ne faut pas faire ça. Et on se quitte avec Becky Buller, Calamity Jane. Je ne sais pas si vous avez des Calamity Jane autour de vous. Alors, quand dit-on qu'une femme est une Calamity Jane ? En fait, c'est une femme qui est perçue comme une personne indépendante, courageuse et souvent un peu rebelle. C'est un terme qui fait référence à Martha Jane Canary, qui était plus connue sous le nom de Calamity Jane, une figure légendaire de la conquête de l'Ouest américain. Elle était connue pour son caractère fort, son goût de l'aventure et son refus des conventions sociales. Les conventions de son époque, Calamity Jane était célèbre pour ses compétences en équitation et en tir, ainsi que pour son rôle d'éclaireuse pour l'armée américaine. Elle a souvent été décrite comme une femme au langage peu distingué, mais aussi comme une personne déterminée et sympathique. Et c'est avec elle qu'on va se quitter. Et si vous avez envie de lire une BD, je me demande si dans un des Lucky Luke, il n'y a pas aussi une Calamity Jane qui intervient. Enfin bref, si vous savez me confirmer ça, ce serait sympa. Donc, Becky Buller, Calamity Jane. Et comme je dis toujours, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. C'est dingue parce que j'ai l'impression que tous les deux vont bien s'entendre. Laisse-moi te dire un truc. Les hommes, c'est comme les maisons. S'il n'y a pas de fondation, tout s'écroule. Dommage. Vous avez de bons physiques. Il se dégage de vous une bêtise lénifiante, une médiocrité sympathique. Eh oui, votre présentation vaut mieux que ce que vous vendez. Oui, mais alors, quoi vendre ? L'abstrait, messieurs. L'abstrait reste l'âme des affaires. La croisière folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Take the risk and feel the sun alone.